sais pas si je tremble, si je mens à mes propres sentiments, peut-être trop pas. Mais ce soir, sur cette plage, sur les sables confortables, je suis à toi. Tu prendras mon trésor, d'autres le recherchent encore, mais ils ne l'auront pas. Ça fait un peu mal, mais ça ira. Tu voudras qu'on teste les limites de ce qu'il nous reste. Moi, tu sais, ça me plaît d'être la gardienne de notre secret. Je me battrai jusqu'à la mort. Le reste fait partie des coups du sort. C'est génial et respectable, ça me laisse froide. Mais ce soir, j'en suis sûr, augmente la température et viens sans moi. Et tu rentres en moi, ça fait beaucoup de bien et ça ira. Mon âme sœur des liens nous unissent quand ton dos se colle au mien. Je n'ai pas peur de tes claques, j'ai juste peur que tu me plaques. Pour nous, entre la vie est bien la pire de nos ennemis. Être heureux, je n'ai besoin d'être en vie. peut-être envie.